les deux grands adversaires de Lupin, Sholmes et Ganimard, supprimés, Beautrelet hors de combat, plus personne qui fût capable de lutter contre de tels ennemis.